La première amie par Paul Bourget. Quoique j'ai à peine atteint cet âge dont parle si mélancoliquement le poète, nel mezzo del cammin di nostra vita, je compte déjà presque autant d'amis sous terre que sur terre. Et il y a de certains moments de l'année, quand c'est fête sur les calendriers et dans les rues, au foyer des familles et dans les yeux des enfants, il m'arrive de me souvenir de ceux pour qui ce ne sera plus jamais fête, avec une tendresse singulière, avec bien du repentir aussi, quelquefois. Comment penser aux morts sans le regret de ne pas les avoir assez aimés lorsqu'ils vivaient? Que des visages m'apparaissent dans ces heures-là, ceux-ci fatigués, vieillis, travaillés par le temps, d'autres tout jeunes, avec la fraîcheur de la grâce adolescente. Hélas, il n'y a plus ni jeunesse ni vieillesse dans l'ombre éternelle où ils se sont tous également évanouis. Puis, comme le visiteur d'un musée, après avoir erré parmi les tableaux, finit par se fixer sur une toile qu'il contemple seul, je finis, moi, par choisir entre ces fantômes une forme et un souvenir auquel je m'attache. Cette forme se fait presque palpable, ce souvenir se précise jusqu'à remuer mon cœur d'un battement plus rapide. La pourpre du sang colore de nouveau des joues à peine décomposées, des prunelles qui ont cessé de voir depuis bien longtemps s'éclairent et regardent, des lèvres se déploient et tremblent, elles vont sourire, elles vont parler. Voici des mains, des épaules, une silhouette, une respiration, une âme. C'est une demi-hallucination si forte que je redoute ces crises de mémoire à cause des rêves inévitables qui hantent le sommeil de la nuit suivante. Mais qui ne les a connus au lendemain d'un enterrement, ces cauchemars obscurs, si étrangement mêlés de délices et de terreurs, où l'on voit les morts avec cette double sensation qu'ils sont bien là, réellement, devant nos yeux, et qu'ils sont des morts? On cause avec eux, on les serre sur sa poitrine, on erre en leur compagnie dans le décor de l'existence quotidienne, et on se rappelle en même temps le détail de leur convoi funèbre, que l'on a conduit quelquefois, sans comprendre comment ils sont ici quand nous savons qu'ils sont là-bas. J'ignore si tous les hommes sont également les victimes de ce reflux douloureux du passé sur le présent. Il faut croire que non, puisque tant de vieilles gens survivent avec tant de gaieté à tous leurs compagnons. Ma destinée a voulu que je visse, moi, tout enfant, s'en aller des êtres bien chers, et j'ai trop continué de les aimer, même alors. J'ai eu ainsi, dès cette époque où chaque journée semble une vie nouvelle, des anniversaires trop nombreux. Et pour n'en prendre qu'un parmi tant d'autres, dès ma 10e année, ce jour de Noël, si rempli de gaieté pour les autres petits garçons, m'a représenté le plus mélancolique des souvenirs, celui d'une enfant de mon âge, qui mourut 2 jours avant cette fête et qui avait été ma première amie. Encore aujourd'hui, que cette mort date de plus d'un quart de siècle et que j'ai d'autres croix à qui pendre d'autres couronnes dans le cimetière des affections éteintes, je ne saurais doubler ce tournant d'années sans revoir Aline, c'était le nom de la petite morte, et la vieille maison de province où nous habitions alors, elle au 3e étage et moi au 2nd, et le jardin de cette maison et le cirque de montagnes volcaniques qui s'aperçoit à l'horizon de toutes les rues. Je revois la couleur presque noire de la lave dont la ville est bâtie, les rues étroites avec leurs cailloutis sur lesquels sonnait le bois des galoches quand les paysans venaient au marché, la cathédrale inachevée qui dominait cette sombre ville et d'autres détails. Au rez-de-chaussée de notre maison, un boulanger qui cuisait des échaudés au beurre en forme de trèfle, un maréchal ferrant, chez qui des bras nus battaient le fer rouge dans un tourbillon d'étincelles. Devant les fenêtres, la place où se dresse la statue d'un général de la Première République sabrant l'ennemi, et mon amie Aline en robe de deuil, elle venait de perdre sa mère quand son père s'établit au-dessus de nous, et autour d'elle, le cadre du jardin qui fut l'asile de nos plus beaux jeux. Il appartenait, ce jardin, à la propriétaire, une vieille dame très pieuse et malade, qui n'y descendait jamais. Nous apercevions son profil, ennobli par de longues anglaises blanches et coiffées d'un bonnet à ruban clair, derrière la croisée du premier étage. Un des carreaux de cette fenêtre était d'un vert plus glauque, différence de nuance qui donnait un je ne sais quel air plus vieilli encore à ce visage toujours penché sur un livre de prière ou sur un travail de crochet destiné aux pauvres. Par-delà le mur du jardin, qui était tout borné par d'autres, les montagnes dressaient des cônes tronqués ou des ballons renflés, avec des silhouettes de châteaux forts ruinés qui s'esquissaient sur leurs crêtes. Je le dessinerais à une allée près, ce jardin avec ses bordures de buis, ses groseilliers que l'on empaille à l'automne, ses poiriers ouverts comme des mains le long des murailles. Rien qu'à y songer, je retrouve l'arôme du seringa du fond sous lequel Aline s'assit une des dernières après-midi où elle put sortir, toussant fébrilement et pâle comme les fleurs de l'arbuste. Il y avait aussi des fils de rosiers dressés sur leurs minces bâtons et, dans la saison, sur ces rosiers, de si magnifiques roses au cœur pourpré, d'autres que j'arrachais avant l'heure, pour ouvrir de mes doigts curieux les pétales encore repliés. « Tu vois, me disait Aline, tu les as tués tout de suite. » Des papillons comme ceux qui voltaient parmi ces fleurs, il me semble n'en avoir plus revu, quoique ce ne fussent que des vulcains bariolés, des citrons couleur de soufre, des macaons aux ailes garnies d'un éperon, des pans de jour ocellés de bleu. Je les poursuivais avec un acharnement de chasseur, mais Aline ne me permettait pas de les piquer comme c'était mon rêve, et quand je lui apportais un de ces frêles insectes, elle le prenait entre ses doigts pour admirer la délicatesse des teintes, puis elle ouvrait sa main et le regardait s'échapper de son vol inégal et tournoyant. C'était là nos joies de l'été, mais nous adorions aussi le jardin, l'hiver, lorsque la neige effaçait les formes des allées, que sur les murs et sur les branches, la gelée de la nuit aiguisait de véritables poignards de glace, et que nous recommencions notre grand projet, à jamais irréalisable, de construire dans cette neige une vraie maison pour nous abriter tous les trois, Aline, moi, et, faut-il l'avouer, une grande poupée qu'elle avait, et qu'elle appelait tour à tour Marie et notre fille, une merveilleuse poupée aux yeux bleus entre de vrais cils, aux joues roses, aux cheveux de soie blonde, aux jambes et aux bras articulés. Enfin, un incomparable joujou qui m'aurait été une cause de honte éternelle si mes camarades du lycée où j'allais déjà avaient pu soupçonner son existence. Mais quand Aline était là, que ne m'aurait-elle pas fait faire tant je l'aimais, cette sœur de hasard que m'avait donné le voisinage? Le charme d'Aline résidait dans une espèce de douceur sérieuse qui faisait d'elle une enfant très différente de toutes celles que j'ai connues depuis lors. Elle était petite, délicate, comme fragile, et je l'ai dit, trop pâle, ce qui serrait le cœur quand on songeait que sa mère était morte d'une maladie de poitrine. Dès cette époque, elle avait la gravité précoce des créatures jeunes, qui ne doivent pas vivre, avec ce rien d'achevé déjà, de trop accompli qui les distingue. La mesure que cette petite fille de 9 ans apportait à ses moindres actions, la modestie de ses gestes, l'ordre soigneux de tous les objets autour d'elle, une involontaire antipathie qu'elle éprouvait pour les jeux bruyants, l'irréprochable sagesse de sa conduite, la visible sensibilité de son être intime, autant de qualités qui auraient dû, semble-t-il, la rendre odieuse à un garçon comme j'étais, fougueux, dégingandé, désobéissant et brutal. Ce fut pourtant l'effet contraire qui se produisit. Et du jour où je commençais d'être son amie, elle acquit sur moi une influence d'autant plus irrésistible qu'elle était purement instinctive. Aujourd'hui que j'essaie de reconstruire mon âme d'enfant par-delà les années, je reconnais que cette innocente fillette, dont les pieds légers descendaient sans bruit les marches de pierre dans l'escalier de la vieille maison, éveilla la première en moi ce culte du doux esprit féminin que les plus cruelles expériences n'arrachent jamais tout à fait d'un cœur. Avec mes autres camarades, il n'était point de gaminerie dont je ne fusse capable. J'avais dû être sévèrement puni pour avoir, à diverses reprises, trompé la surveillance de ma bonne dans le but d'accomplir un certain nombre d'exploits, réservés aux pires vagabonds de la ville. Monter tout debout sur le rebord de la fontaine qui décore la place de la poterne et boire l'eau à même la gueule de lion en cuivre. M'asseoir à califourchon sur la rampe en fer du grand escalier qui joint le boulevard de l'hôpital, à une ruelle construite en soubassement et me laisser glisser jusqu'en bas. Naturellement, j'étais tombé dans la fontaine et j'avais dégringolé le long de l'escalier. J'avais été mouillé, déchiré, écorché, puis fortement puni. Eh bien, je ne me retrouvais pas plus tôt près d'Aline, durant les après-midi des jeudis et des dimanches où il nous était permis de jouer ensemble, qu'une personne nouvelle s'éveillait dans le garçonnet à demi sauvage. Je cessais de crier, de sauter, de gesticuler, par crainte de déplaire à cette fée en miniature, dont les doigts fins n'avaient jamais une tache, les vêtements jamais un accroc. On me la proposait pour modèle, et je ne me révoltais pas là contre. Je lui obéissais aussi naturellement que je désobéissais aux autres. J'acceptais ses jeux au lieu de lui proposer les miens. J'admirais tout d'elle, depuis la finesse de ses cheveux blonds et la douceur de sa voix, jusqu'aux signes les plus petits de sa raison. Par exemple, le soin qu'elle avait de garder sans y toucher l'arbre de buis garni de gâteaux que nous nous donnait au matin les rameaux. Mon arbre à moi était pillé dès le soir. Le sien durait tard encore dans l'automne. Il est vrai qu'ayant voulu faire un jour la dinette avec un de ces gâteaux ainsi conservés, nous dûmes le broyer avec une pierre, tant il était sec. Jamais les miens ne m'avaient fait un tel plaisir. Lorsque nous ne nous jouions pas dans le grand jardin, et durant la dernière année, nous ne pûmes guère y descendre parce que ma petite amie était trop faible, notre endroit de prédilection était sa chambre à elle, une pièce étroite, avec une seule fenêtre qui ouvrait sur la place, et d'où nous pouvions voir très distinctement les plumes dont s'ornait le chapeau du général de bronze, juché sur son socle de canons et de boulets. Ai-je dit qu'Aline vivait seule avec son père et une bonne, une payse de la mienne qui s'appelait Miette? Le père occupait une modeste place à la préfecture, mais la famille avait dû connaître des jours plus fortunés, car l'appartement était rempli de meubles aux formes démodées qui attestaient d'anciennes élégances, et tout tendu de vieux tapis qui étouffaient le bruit des pas. Pour que cette impression de jadis fût plus complète, il arrivait qu'Aline et moi nous étalions, sur ce tapis aux nuances passées, les divers jouets qui lui venaient de sa mère. Sans doute cette malheureuse femme avait été une enfant aussi soigneuse que sa fille, car elle avait dû jouer elle-même avec ces jouets que nous passions ainsi en revue. Presque tous gardaient une physionomie d'un autre temps, un délicieux air de choses fragiles et un peu fanées. Nous aimions surtout une suite de personnages en carton colorié, qui se tenaient debout grâce à un mince morceau de bois collé à leurs pieds, et qui représentaient dans un décor approprié les habitants d'un village, mais c'était un village où les paysans portaient des costumes de bergers et de bergères de l'Ancien Régime. Nous les comparions, nous, avec un intérêt jamais épuisé, aux braillots et aux braillodes qui venaient vendre leurs pommes de terre et leurs poulets, leurs poires et leurs raisins, suivant la saison, sur la grande place, le jour du marché. Nous aimions aussi de petits livres, des almanachs d'années lointaines, serrés dans des reliures et des gaines d'une soie décolorée, et d'autres livres à images où nous nous hébétions à regarder des petits garçons en chapeau de haute forme, drapés d'un habit à collet monumental, et des petites filles en fourreau, coiffées de cheveux à la Prudhon. C'était encore dans ces ménages, aux porcelaines délavées par le temps, des lanternes magiques dans les verres desquelles nous distinguions les uniformes des soldats de l'empereur. La mère morte de ma petite amie revivait dans un tableau pendu au mur où elle était représentée dans une scène de famille, d'après le goût ancien, toute petite et serrant la tête d'un mouton. Les rideaux baissés atténuaient la lumière. Le feu brûlait à petit bruit. Il n'y avait pas d'autre horloge dans cette chambre que les rayons du soleil qui, par la fenêtre, entrait en faisant danser une poussière d'atomes et qui tournait avec la fuite du jour. Sur la cheminée, une maisonnette barométrique laissait tour à tour sortir et entrer un capucin et une religieuse, et j'aurais été parfaitement heureux si je n'avais surpris des larmes dans les yeux du père d'Aline lorsque, par hasard, il venait regarder notre jeu et que ma compagne était prise par un accès de ces toux déchirantes qui m'avait déjà inquiété vaguement pour la première fois sous le seringa. À m'étaler ainsi le musée de ses jouets vieillots, Aline déployait une sorte de grâce pieuse. Tournant les feuillets des livres avec les délicatesses d'un souffle, rabattant le papier de soie sur les gravures, sans un pli, et plus fait que jamais, auprès du lourdeau que je me sentais devenir davantage à chacun de ses gestes menus. Mais nous n'aurions pas été des enfants si la puérilité ne s'était mêlée à la poésie de ses jeux. Et cette puérilité était représentée par la poupée dont j'ai parlé. Cette fille occupait dans les rêveries d'Aline une place telle que j'avais fini moi aussi par considérer Marie comme une personne de chair et d'os, et par me prêter de bonne foi à cette comédie que tous les enfants de tous les temps ont improvisée, improvisent et improviseront pour la grande joie de leur fantaisie. Quand Aline commençait de me parler de Marie en me disant « Marie a fait ceci, Marie fera cela, Marie aime telle toilette, elle n'aime pas telle autre », cela me paraissait tout naturel, et j'aidais au goûter de cette poupée. Je préparais la table pour elle, dans l'angle, au coin de la cheminée que nous lui avions choisi pour chambre. Des meubles minuscules et beaucoup trop petits pour cette grande fille paraissent cette chambre imaginaire. C'étaient les vieux meubles qui avaient été donnés autrefois à la mère d'Aline, avec une poupée toute petite sans doute, et la nôtre prenait, au milieu d'eux, des allures de jeune géante. Marie ne possédait qu'un fauteuil à sa mesure que j'avais acheté pour elle et dans lequel Aline l'asseyait en visite, sans que nous fussions étonnés que ce fauteuil occupât deux fois la place du lit. La stupidité d'un sourire éternel s'épanouissait sur la bouche de porcelaine. Elle était là, dans ce fauteuil, les mains dans son manchon, une touque de velours sur ses cheveux, immobile, et Aline, après l'avoir contemplée, ne manquait jamais de me dire « N'est-ce pas qu'elle est belle ? On croirait qu'elle va parler. » D'autres fois, c'étaient des phrases étrangement profondes que prononçaient ces lèvres fines qui venaient de parler de Marie ou à Marie. De ces phrases, comme on n'admet pas que les enfants puissent en dire, sans doute parce que le contraste est trop fort entre la niaiserie habituelle de leur divertissement et la tristesse de certaines réflexions. Ainsi, à propos d'un oiseau que j'avais perdu, je me rappelle qu'un jour, dans cette même chambre et parmi ces mêmes objets, nous en vîmes à parler de la mort et qu'elle me demanda « Est-ce que tu auras peur de mourir ?»« Je ne sais pas, » lui répondis-je. « Ah, » dit-elle, « c'est si ennuyeux la vie. C'est toujours la même chose, on se lève, on s'habille, on mange, on joue, on se couche, et puis c'est toujours à recommencer. Mais quand on est mort... »« Quand on est mort, on est un squelette, » lui dis-je, finissant la phrase sur laquelle elle restait. « Non, » dit-elle, « on voit maman et les anges. » Je livre ces mots, avec ce qu'ils renferment de lassitude prématurée et de naïveté, aux philosophes qui s'occupent de la psychologie de l'enfant. Ils n'ont que le mérite d'être authentiques. Pour moi, j'ai dès longtemps renoncé à comprendre ce mystère entre les mystères, l'éclosion d'une intelligence et d'un cœur. À quelle minute commence en nous la souffrance de penser? À quelle seconde le mal d'aimer? L'âme de la femme et celle de l'homme ne sont-elles pas tout entières déjà dans l'étonnement que l'inexplicable séparation d'avec sa mère morte inflige à une petite orpheline, dans la tendresse passionnée qu'inspire un garçon de 10 ans la délicatesse souffrante de sa compagne de jeu? Délicatesse souffrante? Ah, ma pauvre Aline l'était bien plus que ne pouvait le prévoir ma sympathie obscure d'amis. Et il vint un temps, c'était le commencement de l'hiver de mes 10 ans, où il ne me fut plus permis de jouer avec elle pour ne pas la fatiguer. Une semaine où elle ne sortit plus de son lit. Et un jour, la veille de Noël, où j'entrai en pleurant dans cette chambre qui m'avait été si douce, pour y voir Aline une dernière fois. Et elle était morte, couchée dans un lit, qu'un crucifix protégeait, aussi complètement immobile que la poupée restée sans doute auprès d'elle par une dernière fantaisie de malade et qui la regardait, assise sur ma grande chaise, tout au pied de ce lit. Seulement les yeux bleus de Marie, ses yeux de verre si gais entre leurs cils noirs, continuaient de s'ouvrir et de briller, au lieu que les yeux bleus d'Aline, avec leur azur aimant, étaient fermés pour toujours. Les joues de Marie, ses joues de porcelaine peinte du plus clair vermillon, sa bouche de rose, conservaient leur éclat de jeunesse, tandis que la pâleur de cire des joues si minces d'Aline et la lividité violette de sa bouche faisaient mal à regarder. Comment ai-je remarqué ce contraste à cette heure même où d'être là me tirait des larmes bien vraies? Il semble que les enfants aient une activité si vive de leurs sens que ces sens fonctionnent presque tout seuls, même quand leur âme est occupée par le plus sincère chagrin. Oui, je me souviens d'avoir vu cela du même coup d'œil. Mon amie morte, la poupée auprès, et plus loin, écroulée sur un fauteuil, le père d'Aline, et le geste par lequel cet homme serrait sa main gauche de sa main droite et la ligne d'un tricot brun sur son poignet. Il y avait, dans la chambre, une odeur douce de lilas blanc. C'était la vieille dame d'en bas, celle dont le profil et les anglaises nous avaient tant fascinés. Aline et moi, qui avait envoyé ces fleurs si rares dans notre ville et que je n'avais jamais respirées. Et quand je fus demeuré quelques minutes immobile moi-même, comme stupéfié par ce spectacle, Miette, qui m'avait introduit, me prit par la main et me dit « Va lui dire adieu ». Je marchais jusqu'au petit lit, je me haussais sur les pieds, et dans le parfum des lilas, je sentis à la fois sur mes lèvres le froid de la joue de la petite morte contre ma joue, la caresse souple et comme vivante, des boucles de ses cheveux que j'avais effleurées en me penchant, et dans mon cœur une inexprimable tristesse. Adieu, ma première amie. Les mois passèrent et mes parents continuèrent d'habiter la vieille maison dans la vieille ville. Seulement, on crut devoir me mettre comme pensionnaire au lycée, sans doute parce que depuis la disparition d'Aline et de son assagissante influence, j'étais devenu un jeune animal indomptable. Je sortais une fois le mois, quand je n'avais pas été trop indiscipliné, mais deux fois la semaine, le jeudi et le dimanche, nous allions en promenade, et deux par deux, nous traversions la ville sans parler, tels étaient les règlements des collèges d'alors. Il m'arrivait très souvent, quand nous défilions sur le boulevard qui longe la préfecture, de rencontrer le père d'Aline qui s'en revenait de son bureau et qui s'y rendait. Il marchait, vêtu de noir, un peu courbé, quoiqu'il n'eût pas 40 ans, tenant à la main une canne, un jonc à pomme d'ivoire que je connaissais si bien. Il ne manquait jamais de me chercher dans la file des collégiens en tunique sombre et de me saluer avec un sourire très triste et très doux. De mon côté, je ne manquais jamais, les jours de sortie, de monter jusque chez lui. Miette venait m'ouvrir et me faisait entrer, après ses compliments sur ma mine et ma taille, dans une sorte de salon bureau où le veuf se trouvait et qui communiquait par une porte avec la chambre de ma petite amie. Un jour, quand cette porte était ouverte, je ne sus pas me retenir, ni jeter un regard furtif, et le père, qui surprit ce regard, me dit simplement « Veux-tu revoir sa chambre ?» Nous y entrâmes. C'était en été. Le père ouvrit les volets fermés, et le soleil inonda de sa lumière la chambre de la morte. Elle enveloppa cette gaie lumière, et le tapis râpé sur lequel nous avions tant joué, et le lit maintenant tendu de Serge où je l'avais vu si pâle, si tristement immobile, et le placard où dormaient les habitants du village, et Marie, la poupée, assise dans son fauteuil sur la commode, ses yeux bleus toujours ouverts, sa bouche toujours souriante et dans sa toilette de visite. « Tu te rappelles comme Aline aimait cette poupée ?» me dit le père en la prenant et me la montrant. « Croirais-tu qu'elle m'avait demandé de la mettre dans ses bras quand elle serait morte, pour l'emporter au ciel et la montrer à sa maman ?» Miette voulait l'enterrer avec. Moi, je n'ai pas pu me séparer d'un seul des objets qu'elle a aimés. Des mois passèrent encore, beaucoup de mois. C'était le troisième Noël depuis celui où Aline était morte, et bien des changements s'étaient accomplis. J'étais, moi, un garçon de 13 ans, qui avait déjà fumé sa première cigarette. Oui, un jeudi de congé, dans ce jardin autrefois tant aimé par Aline, pas loin de cette ligne de rosiers où je lui cherchais de ces jolis insectes verts à reflets bruns, des cétoines dorées qui dorment au creux des belles roses. La vieille dame aux longues anglaises blanches se tenait bien toujours derrière la fenêtre du premier étage, mais à la chute d'une échelle, ayant trouvé le vitrage de cette fenêtre, le carreau plus vert que les autres avait disparu. Miette aussi a disparu. Je l'ai vue, une après-midi, à la récréation de 4 heures, arrivée sur le perron de la cour du collège. Elle m'a fait demander au parloir, et la brave créature au teint terreux, de la couleur des noix sèches qu'elle tira pour moi de son tablier bleu, m'a rapporté une nouvelle pour moi monstrueuse. Le père d'Aline se remariait. Il épousait une dame veuve qui avait déjà une petite fille de 8 ans. Cette petite fille devait occuper la chambre d'Aline. Et Miette m'a raconté comment elle a pris congé de son maître quand le mariage a été chose décidée. Monsieur le maître, que je lui dis, mais j'ai trop aimé madame et mademoiselle pour en voir d'autres à leur place. Ça m'imagine que ça porte malheur de peiner les morts. Et Miette m'a narré par la même occasion l'histoire d'un veuf qui, étant à la veille de prendre une seconde femme, s'était réveillé dans la nuit avant la cérémonie et avait senti sa main serrée par une main toute froide. « C'était celle de sa défunte, » a ajouté Miette, « et il a passé dans l'année. » Miette est partie pour son village. Le mariage s'est fait. Moi, je n'ai pas eu besoin que ma chère Aline revint la nuit me serrer la main pour prendre en horreur celle qui venait ainsi la remplacer dans notre maison et dans le cœur de son père. C'était trop naturel que ce malheureux homme voulût refaire sa vie. Mais c'était trop naturel aussi qu'un garçon de 13 ans ne le comprît pas. Je cessais donc presque absolument mes visites dans l'étage au-dessus du nôtre, et à l'approche de ce Noël, qui devait être le 3e anniversaire de la mort d'Aline, je crois bien que je n'avais pas parlé 10 fois à la petite Émilie, ainsi s'appelait la nouvelle venue. Cette pauvre fille, bien innocente des haines que je lui vouais, était une grosse et simple enfant qui aurait bien voulu jouer en ma compagnie dans le jardin. Mais cette seule idée me donnait une sorte de colère contre elle, qui s'augmentait de ce fait que dès le second mois de son intrusion dans la maison, j'avais vu entre ses bras la propre poupée de mon ancienne amie, cette Marie qui avait été ma fille, notre fille. Je me rappelle encore l'accès de rage dont je fus saisi lorsque ce spectacle sacrilège frappa mon regard, un jeudi de promenade où je rencontrai le père, la nouvelle femme et la petite fille. Mon Dieu ! Comme je me rends compte aujourd'hui de la petite scène qui avait dû se passer dans le ménage, de la maman trouvant cette poupée dans un placard et la donnant pour quelques minutes à sa fille. Le père entre, il voit le jouet entre les bras de l'enfant, son cœur se serre. Il rencontre le regard de sa femme qui épie sur son visage la trace de cette émotion avec la jalousie que les secondes épouses gardent toujours pour les premières. L'homme n'ose rien dire. Les morts ont une fois de plus tort contre les vivants. Mais moi, qui n'avais rien oublié de mon ami disparu, cette rencontre me donna une sorte de haine instinctive contre la petite Émilie. J'avais vu autrefois un angora très sauvage que nous avions chez nous, et qui vivait presque toujours sur les toits et dans le jardin. Rentrer à l'heure de son repas et se trouver face à face avec un chien reçu par mon père le matin même. Le chat était demeuré sur l'appui de la fenêtre, fixant cet hôte inconnu, n'osant pas affronter l'approche de cette boule de points noirs, abondante et turbulente. Pendant 4 jours, nous avions pu l'apercevoir ainsi, immobile, ayant dans ses prunelles vertes une sorte de stupeur anxieuse. Puis il avait disparu pour ne plus revenir. Une rancune toute pareille et toute animale s'agitait en moi, qui justifierait seule le vilain tour que j'ai joué à cette grosse fille, aussi maladroite, lourde et grossière, qu'Aline était gracieuse et jolie. Mais non, ce fut mieux que la malice qui me fit agir. Ce fut une piété presque ridicule dans sa forme, et pourtant touchante quand j'y songe, et que je ne peux pas regretter. Il y avait donc 3 ans qu'Aline était morte, mais quoique ce fût l'anniversaire de cette mort, je ne m'en souvenais guère par cet après-midi-là. Un tapis de neige couvrait le jardin, et un de mes camarades était venu me rendre visite par cette veille de Noël pour organiser dans la principale allée une longue lissoire. C'était là notre divertissement favori, et la dureté des hivers de ce pays lui était si propice que nous y excellions. Nous voici donc, sous un ciel très pur, mon camarade et moi, nous élançant l'un derrière l'autre, tantôt tout droit et les pieds unis, tantôt à croupeton et sur un seul pied, une jambe tendue, et tombant et nous culbutant et criant et riant. Il se trouva qu'au plus fort de notre tapage, Émilie rentra de la promenade. Nos exclamations l'attirèrent, et nous la vîmes s'arrêter une minute sous la voûte qui donnait sur le jardin, accompagnée de sa bonne. Elle tenait dans ses bras cette poupée, objet de ma profonde colère contre elle. Je n'aurais pas été le malicieux garnement que j'étais alors si je n'avais pas redoublé de cris, de rires et de folie en me livrant sous ses yeux un amusement qu'elle ne pouvait pas partager. L'envie chez la petite fille devint trop forte. Tout d'un coup, et sans que sa bonne eût pu la prévenir, elle pose sa poupée contre un des bâtons de la porte et elle s'élance. Le pied lui manque sur la neige, elle tombe, sa bonne la rattrape. Émilie, toute confuse de sa chute et de son manteau mouillé de neige, se met à sangloter. La bonne la gourmande et, lui prenant la main, l'entraîne pour la changer. Elles disparaissent, oubliant toutes deux la poupée qui continue de sourire avec sa bouche rouge et ses yeux bleus, le long de la porte cochère, comme autrefois quand Aline la menait là pour lui faire prendre l'air, comme au pied du lit de la pauvre morte. Comment l'idée de voler cette poupée qu'Aline avait tant aimée me vint-elle à l'esprit subitement, moi qui, 5 minutes plus tôt, n'avais rien en tête que la folie de la glissade? Encore une question que je livre au psychologue de l'enfance. Toujours est-il que d'avoir cette idée et de l'exécuter ne dura certainement pas 5 minutes. Ce fut une de ces tentations rapides à la fois et irrésistibles, comme je me rappelle en avoir eu quelques-unes dans ma vie d'écolier. Le bond subi du sauvage sur son ennemi ou de l'animal sur sa proie. Je l'accomplis, ce vol, si soudainement conçu, avec la simplicité de ruse que déploient en effet les sauvages et les animaux. Je profitai d'une seconde où mon camarade me tournait le dos et frappait ses galoches contre un tronc d'arbre afin de faire tomber la neige amassée entre le talon et la semelle de bois. Je saisis Marie à la place où elle gisait, et tout en courant pour remonter vers la tête de la glissoire, je la jetai dans un hangar ouvert qui se trouvait là, au risque qu'elle cassât sa jolie tête de porcelaine sur les bûches amassées. Je la vis dégringoler sur le bois et rouler dans une brouette placée auprès des bûches. J'avais poussé en la lançant un cri si perçant qu'il couvrit le bruit de l'objet cognant le bois, et que mon camarade ne put rien deviner de la coupable action que je venais de commettre. Et nous voici de nouveau nous poursuivant, glissant et gaminant à qui mieux, quand la bonne d'Émilie reparaît sous la voûte de la porte. Elle regarde à droite, elle regarde à gauche. Elle manifeste son étonnement, regarde à gauche, regarde à droite, puis sous la voûte même, puis dans le jardin. « Vous n'avez pas vu la poupée de mademoiselle Émilie ?» demanda-t-elle. J'eus cette chance qu'elle s'adressa à mon camarade, qui lui répondit avec cette bonne foi d'innocence, si difficile à simuler pour certains enfants. « Une poupée, mais non. » « Elle m'a dit qu'elle l'avait posée là quand elle a voulu glisser, » fit la bonne. « Ce n'est pas possible, » répondit l'autre. « Nous n'avons pas quitté cette place une minute, n'est-ce pas ? » insista-t-il en s'adressant à moi. « Pas une minute, » répliquai-je en m'approchant. Je devais être bien rouge, mais l'air était si vif, et nous avions tant couru. « Voilà qui est bien extraordinaire, » reprit la bonne. « Où peut-elle l'avoir laissée ? Ah, elle va en recevoir un galop. » Je n'étais pourtant pas méchant, mais l'idée qu'Émilie, outre le chagrin d'avoir perdu sa poupée, allait subir une verte semonce, bien loin de me donner le moindre remords, me combla de la joie la plus délicieuse. Cette joie eût été entière, si, aussitôt rentré dans l'appartement, je n'avais été obligé de me demander ce que j'allais faire pour empêcher qu'on ne retrouvât jamais Marie. Cette préoccupation dura tout le soir et toute la nuit. Ni l'oie au marron traditionnellement servie sur la table, ni l'arbre de Noël préparé chez le camarade qui était venu jouer dans l'après-midi, ni le cadeau que j'ai reçu, ni le retour tardif par les rues de la ville, blanche sous la lune, d'une féerique blancheur de neige, ni le projet arrêté d'une partie le lendemain du côté d'un étang gelé où nous espérions patiner, rien en un mot ne permet à me distraire de cette pensée fixe, pourvu que la poupée n'ait pas été découverte ce soir, pourvu qu'elle ne le soit pas demain matin. Ce fut surtout couché dans mon lit que ce souci devint cuisant jusqu'à la douleur. Toutes les sensations de répugnance que m'avait donné le second mariage du père d'Aline se mirent à revivre, mêlées aux sentiments tendres qui me venaient pour elle. La chambre, aujourd'hui profanée par la présence de l'intruse, se représenta devant mes yeux, telle que je l'avais connue. L'espèce d'hallucination dont je parlais en commençant ce récit de ma plus lointaine amitié d'enfance se produisit avec une force extraordinaire. Ma petite amie reparut, avec ses sourires, ses pâleurs, ses gestes grêles, et tous les vieux objets dont elle était comme la vigilante et douce gardienne. Et dans le même éclair d'impression, je vis l'autre, se couchant dans le lit où Aline avait rendu l'âme, maniant de ses vilains doigts malpropres les reliures de soie passée, salissant de ses souliers aux talons tournés. J'avais remarqué d'elle, même cela, le tapis sur lequel nous disposions les friandises de nos dinettes, volant Aline. Car pour mon cœur d'enfant, c'était un vol que cette possession des jouets de ma petite morte. Morte. Je me répétais ce mot machinalement et je voyais la tombe, autrefois parée de si fraîches fleurs, maintenant à peine soignée, que j'avais visitée le 1er novembre de cette même année, et l'ange de plâtre agenouillé à qui manquaient les mains. J'étais trop pieux à cette époque pour n'être pas certain que la disparue habitait au ciel, comme elle l'avait dit, avec sa mère et d'autres anges, de vrais ceux-là, avec des mains imbrisables et faites de pure lumière. Pourtant, mon imagination se figurait le pauvre petit corps, couché dans la terre, tel que je lui avais dit adieu dans la chambre parfumée de lilas blanc. Une horrible impression de solitude me poignait l'âme. Je me souvenais du vœu que l'enfant avait formulé, de ce désir d'emporter sa fille avec elle là-bas. Ah, que j'aurais voulu aller au cimetière avec la poupée que j'avais reprise, donner de l'argent au fossoyeur, et que Marie reposait auprès d'Aline pour toujours. Le lendemain matin, vers les 10 heures, si quelqu'un était venu dans le jardin désert et dans le coin le plus reculé, il aurait vu, au pied du seringa, maintenant tout noir et nu, un jeune garçon en tunique de collégien creuser la terre hâtivement avec une bêche. Une voûte de brouillard pesait sur la ville, un brouillard noir, où le soleil rouge vacillait, pareil à une boule de feu rongée par les ténèbres. La neige couvrait au loin les toits. Dans la maison, chacun baquait sans doute aux préparatifs du dîner. Beaucoup de personnes étaient à la grand-messe. De son pied maladroit, le garçon appuyait sur le fer de la bêche, puis il déposait soigneusement la terre brune en tas, afin que le dégât de son travail fût moins visible. Il regardait parfois le ciel menaçant pour y chercher la promesse d'une nouvelle tombée de cette neige qui eût encore mieux effacé toutes les traces. Près de l'enfant, une forme d'un enfant plus petit était étendue, mais au premier regard, on eût reconnu que cette forme était simplement celle d'une poupée coiffée d'une toque, les mains passées encore dans un manchon microscopique attaché à son cou. Cette poupée semblait avoir été élégante autrefois, puis très mal soignée, à voir les déchirures de sa robe, la nudité d'un de ses pieds privés de son soulier, les éraflures de son visage de porcelaine. Un sourire immobile flottait pourtant sur sa bouche restée rouge et dans ses yeux de verre. Et voici que lentement, doucement, de la voûte funèbre du ciel, des étoiles de neige commencèrent de tomber. Le jeune garçon regarda de nouveau le ciel avec une joie singulière. Le trou était assez grand maintenant, presque aussi profond que son bras. Il prit la poupée, et par un geste enfantin, il mit sur sa froide joue de porcelaine un baiser, un autre sur la soie blonde et souple des cheveux, puis il coucha soigneusement ce corps dans la terre, comme si c'eût été la dépouille d'un être ayant eu une âme. Il se mit alors à combler cette fosse avec la hâte d'un coupable. Une fenêtre du second étage s'était ouverte là-bas dans la maison au fond du jardin. Une voix avait crié un nom et ajouté « Il faut rentrer !»« Me voici !» cria le jeune garçon en reportant la bêche le long du mur. Et, la tunique déjà toute blanche de neige, il courut joyeusement vers la voix qui l'appelait. « Qu'as-tu fait ?» lui dit la même voix du haut de la fenêtre. « J'ai préparé une belle glissoire pour demain, » répondit-il, et c'était un mensonge par-dessus un vol. Et pourtant, lorsqu'il se confessa quelques jours plus tard, avec tous les scrupules d'une ferveur précoce, le jeune garçon ne put jamais se repentir d'avoir dérobé pour l'ensevelir ainsi par ce matin de Noël dans la paisible terre, sous la paisible neige, la fille aux yeux bleus, aux joues roses, aux cheveux blonds de sa première amie. Ainsi s'achève « Ma première amie » par Paul Bourget.